Chapitre 129. Les règles de bienséance dans les assemblées. 825. D'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Que l'un d'entre vous ne fasse pas se lever quelqu'un de sa place pour s'y asseoir, mais écartez-vous et faites de la place aux autres. » Ibn Omar refusait toujours de s'asseoir à la place qu'on lui cédait. Al-Bukhari et Muslim. 826. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si l'un d'entre vous revient à la place qu'il a quittée, elle lui revient de droit. » Muslim. 827. Jabir ibn Samura, radiallahu anhuma, a dit « Lorsque nous nous rendions auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, nous nous asseyions au dernier rang ou cercle de l'assemblée. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 828. D'après Abu Abdillah, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Nul homme n'effectue le jour du vendredi les grandes ablutions, le rousl, en se purifiant le mieux possible, s'applique de l'huile sur le corps ou les cheveux, ou du parfum de la maison, puis va à la mosquée où il s'abstient de séparer les gens pour passer ou s'asseoir entre eux, puis accomplit ce qui lui a été destiné comme prière, et enfin écoute attentivement et silencieusement le prêche de l'imam, sans que ses péchés commis depuis le vendredi précédent ne lui soient pardonnés. » Al-Bukhari. 829. Amr ibn Shu'aib rapporte d'après son père, qui le tient de son grand-père, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'est pas permis de séparer deux personnes sans leur permission. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». Dans une autre version d'Abu Dawud, il n'est pas permis de s'asseoir entre deux hommes sans leur permission. 830. D'après Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit celui qui s'assoit en plein milieu d'un cercle d'hommes en assemblée. Abu Dawud avec une bonne chaîne, isnad. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimuhallah. At-Tirmidhi, quant à lui, rapporte d'après Abu Mijlaz qu'un homme s'assit au milieu d'un cercle, ce qui fit dire à Hudhayfa, celui-ci a été maudit de la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou, Allah a maudit par la bouche de Muhammad alayhi salatu wa sallam, celui qui vient s'asseoir au milieu d'un cercle. 831. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Les meilleures assemblées sont les plus ouvertes aux autres, littéralement les plus larges. » Abu Dawud, à travers une chaîne authentique selon les critères d'Al-Bukhari. 832. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque s'est assis dans une assemblée où il a multiplié les paroles inutiles, puis a dit, avant de se lever, « Gloire et louange à toi, ô Allah, je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de toi, j'implore ton pardon et me repens à toi. » Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, se verra pardonner ce qu'il a dit au cours de cette assemblée. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 833. D'après Abu Barza, radiallahu anhu, avant de quitter une assemblée, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire « Gloire et louange à toi, ô Allah, je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. J'implore ton pardon et me repens à toi. » Un homme lui dit un jour « Ô messager d'Allah, tu dis aujourd'hui des paroles que tu ne disais pas auparavant. » Il répondit, cette formule sert d'expiation aux paroles qui ont pu être prononcées durant l'assemblée. Abu Dawud et Al-Hakim Abu Abdullah dans Al-Mustadrak, selon Aisha radiallahu anha, et en précisant que la chaîne est authentique. 834. Selon Ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quittait rarement une assemblée sans invoquer Allah en ces termes. « Ô Allah, Accorde-nous de te craindre suffisamment pour ne pas te désobéir, de t'obéir suffisamment pour obtenir ton paradis et une certitude assez ferme pour alléger nos malheurs dans ce monde. Ô Allah, fais-nous jouir de notre ouïe, de notre vue et de notre force tant que tu nous laisses en vie et jusqu'à notre mort. Fais que notre vengeance s'abatte sur ceux qui nous ont opprimés et accorde-nous la victoire sur nos ennemis. Fais que les malheurs qui nous atteignent ne touchent pas notre religion et ne fais pas de ce bas monde notre principale préoccupation ni les limites de notre savoir. Et ne nous mets pas sous la coupe de celui qui n'a aucune pitié pour nous. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahoulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alayna masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan. 835. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: nul groupe de gens ne se lève d'une assemblée dans laquelle ils n'ont pas évoqué Allah Ta'ala sans qu'ils ne soient considérés comme ayant quitté la charogne d'un âne et que cela ne soit un sujet de regret pour eux. Abu Daoud, avec une chaîne isnad authentique. 836. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: nul groupe de gens ne se réunissent sans évoquer Allah Ta'ala et sans prier sur leur prophète, sans que cela ne soit un manquement et un sujet de regret pour eux. Si Allah veut, il les châtiera, et s'il veut, il leur pardonnera. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 837. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui s'assoit à un endroit sans y évoquer Allah Ta'ala aura commis un manquement qu'Allah lui fera regretter. Et celui qui s'allonge à un endroit sans y évoquer Allah Ta'ala aura commis un manquement qu'Allah lui fera regretter. Abu Daoud.